émission rap de référence. Planète Rap. 20h-21h, ce soir, Planète Rap Niska. Et c'est parti, coup d'envoi de cette nouvelle soirée, Planète Rap avec Niska qui est là, comment va? Ouais, ça va toujours, hein, toujours, on contrôle la maison comme jamais, toi-même tu sais Fred. Hein. À quelques heures de la sortie maintenant de Charo Live, c'est vendredi. À 48 heures de la sortie, on va foutre le feu, rendez-vous vendredi 18h à l'Agora, moi-même je vais aller acheter mon CD. Ah. Je vais acheter mon CD et je donne rendez-vous à tout le monde là. On va tous aller vider les bacs. Donc c'est Évry, hein, l'Agora, c'est le 9. Ouais, c'est le centre commercial d'Évry. Centre commercial d'Évry. Voilà. Bon, bah direction donc l'Agora à partir de 18h, ouais, pour ceux qui pourront retrouver Niska. Voilà, exactement. Et donc ça va être blindé, j'espère que ça va être blindé aussi, qu'ils auront mis plein de Charo Live dans les bacs. Inch'Allah. Ouais, on espère. Bon, il y a du monde encore ce soir. Hier, on a eu un gros freestyle. Ce soir, je pense que c'est un peu la même. Ouais, là, c'est la même. Bah après là c'est avec la même mais avec des plus jeunes, on va dire. Aujourd'hui on va donner la force aux plus jeunes. Après voilà là aujourd'hui il y a qui avec moi? Il y a la MOG, c'est un groupe local de Charlie Delta. C'est les petits de ma cité. Après t'as Mafia Spartiate qui arrivent là, ils sont pas encore là dans les studios mais ils vont arriver. Mafia Spartiate, les petits des quartiers d'à côté. Après il y a Colossal qui est un groupe de Grigny aussi, qui sont pas encore arrivés, qui vont pas tarder. T'as MC Acro, MC Acro qui est avec moi là, il est là lui, il est dans les studios, il est à l'heure, hein, il est ponctuel. Non mais j'ai vu. Avec moi, tout le monde est à l'heure. Bah, je crois que j'ai oublié personne. Hein. Ouais, je crois que j'ai oublié personne normalement. Bon, et ben on pourra découvrir un petit peu tous ceux qui arrivent dans un instant, le temps de débuter ce planète. J'ai oublié, excuse-moi. Il y a Big Joe et BRS aussi qui arrivent. Et BRS qui arrive dans un instant. Voilà. Vos messages avec le hashtag Niska sur Skyrock, allez-y, vous bombardez. Et on débute avec autre chose, c'est parti. Vas-y, à pas de. Allez, coup d'envoi de ce planète rap, Niska est là avec nous tous les soirs de la semaine en direct. La jalousie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif. Hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. Fuck. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les paires de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon plat qui m'appelle Brazzaville. Toi tu penses que ici ça bibi juste pour santé, hey. On n'est pas gangster, nous charognard. Qui peut te planter, qui peut te plomber, hey. Ça vit tous les jours. Bibi tous les jours. Les mecs d'à côté font les fous. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four? Bang bang bang. Mais où sont les vierges? Que des agitaires. Négro type, comme Martin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commence à prier, au cas où ça va tirer. Pour mes charrons. Couplet, je découpe. Tu veux le B9, tu la coupes. Nico, tu payes si tu touches. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple et le monde entier. Mon meilleur ami, c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. Je vais investir dans la repierre. J'fume ma Audi couche. J'compte mes liasses. Pendant ça, Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture. Pourtant, elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore. Il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais? Deux équipes encore. Si je pète le million, la cotine en boca. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend le large. Quand je dans la nuit, je combats les démons de mes ennemis. Il est prends le large. Je prends le large. Je dois éviter les barrages. Les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Il prend de l'âge. Le jour y passe et je vois les larges. Je vois les larges. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Niska. Et ce morceau, vous le retrouverez dans 48 heures sur le projet Charo Life. Le morceau qui s'appelle Ochoa sur Ochoa. Skyrock. Ochoa. Un des gros morceaux aussi de ce projet Charo Life. Il y en a plein d'autres aussi. Il y a plein d'ambiances aussi que vous allez pouvoir. Très autres frappes. Très autres frappes qu'on a travaillé lourd durant un an à peu près. Non, moi j'avoue, j'abuse. 6-7 mois. 6-7 mois, on a travaillé lourd. Et voilà, ça a donné Charo Life et je vous incite à aller écouter. Ah tiens, le portable. Ah ouais, hier on n'a même pas répondu. Mais non, t'as pas répondu, je rappelle le numéro, le téléphone de Niska. Alors aujourd'hui il est tombé en panne. Donc on va voir si ça fonctionne. 06 71 74 84 15. C'est pour joindre Niska à n'importe quel moment. 06 71 74 84 15. Ah ouais, je reçois des menaces et tout, rep gros. Ah ouais, des sacrées menaces, rep gros. Rappelle-moi quand t'as le time et tout. Le téléphone pour joindre Niska sur Skyrock entre 20 et 21 avec le hashtag aussi Niska sur Skyrock. On l'a dit depuis hier, tu présentes un petit peu les gens qui sont issus du même endroit que toi, du 9-1, des gens qui t'entourent aussi. Exactement. Différentes générations aussi qu'on a pu avoir depuis hier. Des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps que toi ou qui arrivent. Attends, il y a une anecdote vite fait, attends, je te lis un message. Vas-y. Ça va, t'as bien parlé derrière mon dos et à part ça. Ça parle de confiance, putain, tu me dégoûtes, je pensais vraiment pas que tu étais comme ça. Tu t'es bien foutu de ma gueule, pourquoi t'es allé raconter à tout le monde que le Père Noël n'existait pas? C'est un fou. Eh ben allez-y, vous pouvez bombarder le message. Tiens, regarde, ça appelle. Ah, ça appelle, tout de suite. Allez, bah, si tu veux. 06 71 74 84 15, vous joignez en direct. Allô. Avec le portable. Allô? Ouais, allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. On l'entend bien. Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Le message, c'est un rêve gros, c'est moi qui te l'ai envoyé. Ah, c'est toi qui m'as menacé. C'est toi qui m'as menacé. Et bah voilà, il a répondu en fait. Ouais. Bah, tu vois, j'ai répondu, ouais. T'habites où? Nickel, merci. T'habites où? J'habite en Lyon. Lyon. Ah, puis je suis bientôt là-bas en concert. C'est le 27 octobre, ouais. Le 27 octobre, je suis là-bas. Ouais, j'ouvre le bal à Lyon. Tu seras là? Ouais, tu seras là? Ah, il a raccroché. Tu seras là ou pas? Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Il s'appelle comment? Ouais, tu t'appelles comment? Ah bah voilà, c'est son prénom, pas mal. Son prénom. Bon, tu veux nous présenter des gens qui sont là, Niska, faire un petit tour de table avec les gens qui t'entourent et qu'on retrouvera en live tout à l'heure. Ouais, on va faire le tour de table, même si tout le monde n'est pas encore présent. Vas-y. Bah, y a... On commence par qui alors? Il y a MC Acro, on va commencer toujours par la droite, la gauche. J'avais musique. Voilà, j'ai AV Musique, MC Acro qui est originaire du quartier des Honnêtes à Évry. Ok. Après t'as la MOG. MOG. Rodi encore, c'est les petits chantiers du coq, Charlie Delta, ils sont là, ils sont avec moi. Ensuite t'as Nino. Nino, je vais le laisser se présenter. Nino, on va balancer d'ailleurs son morceau dans un instant à Nino. Nino, viens Nino, te présenter, ça va? Nino, bien cool. En calme, forme? Tranquille, on vient soutenir le frérot là, bien. Donc toi t'es aussi pareil, 9-1? Ouais, 9-1 hier, ouais. On peut retrouver tes sons, tu sors des choses? Ouais, il y a de l'actualité là, des freestyle, demolition là, sur YouTube là, ça balance. Ah, donc là c'est freestyle. Et le morceau, donc moi j'ai un titre qui s'appelle Miroir, c'est bien ça? Ouais, Miroir. Qu'on peut retrouver où? C'est un titre quoi, inédit, qui a déjà été balancé? Inédit. Tiens, vas-y, parle bien quand on t'entend. Inédit qu'on a fait à Génération, on leur a donné avec lui, et on a balancé ça, et on l'a balancé sur YouTube là, hier. Eh bah, très bien, donc c'est l'exclu maintenant Skyrock qui arrive. Le morceau s'appelle Miroir. Ensuite, il y a le DJ qui est venu avec moi ce soir, DJ Mike One. Mike One DJ Mike One, toujours ponctuel, hein, DJ Mike One, toujours dans les temps. DJ Mike One, toujours dans les temps ou pas? Ouais. Mike One qu'on salue et qui balance. Après, il y a toujours l'équipe qui est avec moi, donc la B, tout ça, ils sont là. Il y a Skaoji, toujours présent dans les studios. Et après, il y a Colossal qui vont arriver, il y a Big Joe, BRS, ils vont arriver, il y a toute la famille qui va arriver. Voilà, on va mettre le titre de Nino, comme il est là, comme il s'est présenté. Ouais, comme il est là, vas-y, on va commencer avec le morceau Nino. S'appelle Miroir, on l'écoute. Allez, vous réagissez avec le hashtag Niska sur Skyrock. À part Dieu, on ne croit que Dieu que l'on voit. Oh. crois que cette pétasse m'éloigne de la voix. C'est le choix. La concurrence fait un ulcère, tu vas vomir, je bouge sur la cuvette. J'suis dans le bain, j'suis en fumette. Arouette sous les lunettes. T'es dans le bis, dans les bars, tes affaires tu les pousses, donc ça t'écrase ta puce. Si j'achète une bouteille à 5 bars, la vie de ma mère que je rebigrape ma bise. Empoche-ta. Toi t'es avec les acheteurs, on est avec les vendeurs. Le tampon c'est Calogero, la substance te garde en apesanteur. Loin. Mets-moi 1,5 million dans le sac et j'suis refait comme Nicki Minaj. Aucun trou dans les couilles, j'suis défris sur ta course et tu niques les méninges. J'écoute la Jura, gros, ça me vénère. 91% de Zemel. J'suis irremplaçable comme ta vraie mère. Les têtes de raisin ouvert sans wifi. On dit qu'on baisse les tables. Petit problème technique. Nino, qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop lourd, je crois. Les enceintes, ils ont pas assumé. Les enceintes, ils ont pas assumé, je crois. C'était trop lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, on va remettre. En plus. On va remettre, on va remettre. Bon, bah écoute, on va vérifier ça. Peut-être mettre un autre titre et on va vérifier pendant ce temps-là le morceau de Nino pour. Vas-y, Nino, pardon. Vas-y, pas de problème. Pour vas-y, on avec M.O.G. M.O.G. Vas-y, M.O.G. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. J'espère que ça va pas faire la même dans une minute. Allez, c'est parti. Le son de M.O.G. à découvrir sur Skyrock entre 20 et 21. Du coq, bah de la main. Ramène les tchaga, les tchaga. L'étana. Wouah, j'ai les boules, grosse équipe. Y'a pas tes yeux, c'est qui. Tiens, fais faut ta conf, bâtard, arrête de gratter des gustis. Rivaliser, là c'est busy. Charlie Delta, que des baisers. Car t'es dit à l'Afrique qui fait, mais j'ai rencontré dans le bas de la paix. J'ai mes biggies, baillé la coque que je la calcule pas. Garde la pêche, pescarde, en quartier on t'oublie pas. C'est la SOD, faut charbonner, y'a pas le choix. Tu t'es fait péter, c'est bon pour toi, faut payer l'avocat. Le flow est là, de argenté, Bélec au danger. Avec Megava, on a fait des cocottes sans se faire péter. On vit de mignon, donc arrêtez de faire les mignons. On décale et me arme, Charlie Delta, ça passe comme ça. Les sacs dans le bas. Les bocards dans la cave. M.O. Brigada. Nos têtes, dis-moi qui pourra. Mon équipe ne va pas chez moi. Mon équipe ne va pas chez moi. Posé à la plaza, on contrôle le TK. M.O. Brigada, chantier du corps, c'est le Houdada. Y'a pécho du pilon ou de la Houdada. Tu reviens tous les jours, t'as sorti la patata. Engorgé pour une soirée, des potos Guadada. M.O. Brigada, chantier du corps, c'est le Houdada. Y'a les tournées qui passent, Charlie Delta, on en voit que la frappe. M.O. Gang, en mode d'attaque, on trappe à ta mère, on est prêt pour les rela. Rela, soir ça pas cap, on cadre, on brouille mon gars, ça rafale. Charbon, nique sa mère, le placard. J'quitte dans le game, j'suis pas là pour jouer. Faites des beautés, il nous faut des billets. Ratatata, l'envoi, cul va baver, touche à les verbes et les calamartés. Si y'a bagarre, si y'a la merde, on est à la place. Allez, prends ta cause, boulot, y'a de la patata. Rejoins le dans le bec, ça vie crave des barrettes. J'ai de la sub sur moi, les Schmitt courent derrière moi. Les bêtises dans le bas, les poucaves dans la cave. Le bec est ouvert, regarde qui sait tout faire. Le BG la nique sa mère, on baisse les tapettes. Chaque allonge sa quête, ça vie crave des paquets. Le chiffre est dans le paquet. Fume ton joint de bœuf et ton joint de paquet. M.O. Brigada. Posé à la plaza, ça vie crave des. M.O. Brigada, j'en fais du corps, c'est le Houdada. La patata, enclenché pour une soirée, des potos Guadada. Un bon brigada, j'en fais du corps, c'est le Houdada. Y'a pécho du pilon ou de la Houdada. Tu regardes tous les jours, t'as sorti la patata. Enclenché pour une soirée, des potos Guadada. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Niska et M.O.G. à l'instant qui sont là aussi avec nous entre 20 et 21. On peut vous retrouver les gars sur le net, on peut retrouver vos morceaux quelque part. Ouais, sur YouTube, il y a une petite page là, M.O.G. Allez liker. Eh ben, allez faire un tour. MOG qu'on écoutait à l'instant. On mettra le titre de Nino d'ici quelques minutes. Ouais. On passera au live aussi ce soir. Il y a du gros live de prévu. Du gros live. Ils sont déter. Ils sont déter. Les plus jeunes, ils sont plus déter que nous. Même. Et ils Niska, ont des textes. Il y a des textes de fou. Beaucoup de gens qui demandent aussi la marque Charo. Est-ce qu'on peut la trouver? J'ai beaucoup de messages en disant moi je veux le sweat, le sweat rouge, le sweat. www.charo-shop.com. Voilà, là t'es sûr que tu vas tout trouver. Il y a des strings, voilà. Ah oui, tout. Donc allez cliquer, allez faire un tour donc sur le Charo. Charo Shop. Ouais. Pour retrouver. Ça c'est les questions qui revenaient aussi avec le hashtag Niska sur Skyrock. On a encore un dernier son à mettre, je crois. Ouais. Call Squad. Non, on va attendre un peu pour Call Squad. Donc là, il y a pas. On peut mettre un de tes titres aussi, un extrait. Ouais. Voilà, tiens, mets-moi 911. 911. Je sais pas s'il est là. Si, on l'a, 911. Ouais, 911, mets-moi 911, comme il y a Skaoji, on va profiter pour mettre 911. Skaoji qui est à tes côtés, comme d'hab. Voilà, toujours. Entre 20 et 21 voilà. Sur Skyrock. Il y aura le freestyle par téléphone, la roulette qui tournera aussi, inscription 41759. Votre prénom, numéro de téléphone pour faire tourner la roulette. Et voici donc un extrait de Charo Life. Niska et son voilà, 911. Premier extrait qu'on balance de Charo Live sur Skyrock. Donc voilà, pour tous ceux qui ont entendu, vous connaissez maintenant 911 featuring Skaoji. Skaoji qui est là aussi ce soir entre 20 et 21. Ça va bien, Skaoji? Ouais, ça va, tranquille. En pleine forme? Ouais, pleine forme. Bon, content d'avoir écouté ce morceau aussi. toujours d'exclus. Que t'as fait, qu'on retrouve donc sur Charo Life. Ça sort vendredi le 2 octobre. Le 2 octobre, à pas louper vendredi. On peut toujours le précommander, Niska aussi. On peut y aller, on peut aller cliquer hein, dessus. Toujours à 7,99€, en réduction à 7,99€ sur iTunes. 6,99€ sur Google Map ou Play ou partout, je sais plus map, ouais. C'est en réduction juste avant le 2 octobre. Donc n'hésitez pas à le prendre maintenant, comme ça vous gagnez 2€. Voilà, et puis toi tu vas aller chercher aussi ton album. Ouais. Vendredi. Vendredi, je donne rendez-vous à toute ma team Charo des alentours du 91 et de Paris. Vendredi, au centre commercial L'Agora. J'irai chercher mon propre album à 18h. Je serai là à 18h. Donc 18h juste avant le Planet Rap. Voilà, exactement. À retrouver pour la dernière justement de la semaine avec, avec Niska. Si vous voulez le précommander aussi, allez-y dès maintenant sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. On présentera qui reste, qui a présenté. Il reste un morceau à passer, c'est ça, Niska? Il en reste deux parce que Nino tout à l'heure il a coupé. Ah ouais, Nino. On va essayer de récupérer le morceau. On va remettre Nino. Et on finira par Colo Squad et ensuite on passera au freestyle. Donc gros freestyle de prévu ce soir aussi entre 20 et 21 avec le projet Charo Life à découvrir. On fera tourner aussi la roulette tout à l'heure. 41759 pour les inscriptions. Allez-y, hein, vous balancez votre prénom, numéro de téléphone et on va revenir avec, avec Niska et la team Charo. T'as vu tous les gens qui t'envoient de la force quand même, c'est fou. Hein. Ouais, c'est énorme. Il y a plein de messages, plein de gens aussi. C'est énorme. Qui petit à petit font que la team Charo s'agrandit. Ça s'arrête pas. Hein, au quotidien. C'est bien, ça donne la force, ça donne envie de continuer et surtout. Et voilà. En tout cas, sachez que je vois tous vos messages là. Au moment même, je vois tous vos messages et on est ensemble. Non, gros bisous à vous. T'en as peut-être loupé un. Il y a une fille qui a envoyé en disant: ok, je veux bien prendre le string sur le site, mais tu me le dédicaces. Ah ouais? Ouais. Ah non, je fais pas ça. Non, on touche pas au string. Non, on touche pas au string. Ils sont juste dispo sur le site. Voilà, exactement. Bon, bougez pas, on revient après ça avec Niska. Ok. 20h, 21h, Planet Rap, Niska. C'est Niska sur Skyrock entre 20 et 21. Dans un instant, il y a un gros live qui se prépare avec encore beaucoup de monde ce soir dans le studio. Niska, voilà, qui n'est pas venu seul, qui veut mettre en avant aussi du monde. Voilà, exactement. On a les moyens de pouvoir mettre en avant certaines personnes, donner de l'exposition. Exactement. Alors, le son, a priori, Mike One, tu me confirmes, tu l'as, c'est bon. On peut donc écouter le morceau de Nino maintenant en intégralité. Il n'y a pas de problème, on est parti. Miroir. À part Dieu, on ne croit que ceux que l'on voit. Je crois que cette pétasse m'éloigne de la foi. C'est le choix. La plus grande vie à musère, tu vas vomir, je bouge sur la cuvette. J'suis dans le bank, j'suis en fumette. Or, sous les lunettes. T'es dans le bis, dans les bars, tes affaires, tu les pousses. Donc ça t'écrase ta puce. Si j'achète une bouteille à 5 bars, la vie de ma mère que je rebique grave ma bise. Empoche ta. Toi t'es avec les acheteurs, on est avec les vendeurs. Le tampon c'est Calogero, la substance te garde en apesanteur. Loin. Mets-moi 1,5 million dans le sac et je suis refait comme Nicki Minaj. Aucun trou dans les coudes, je défris sur ta course et tu te niques les méninges. J'écoute la Dior à gros, ça me vénère. 91% de Zemel. Tu es remplaçable comme ta vraie mère. Des têtes de raisin au père sans wifi. On dit qu'on baisse l'état, mais quand on paye, on garantit, on l'enrichit. À part Dieu, on ne croit que ce que l'on voit. Je crois que cette pétasse m'éloigne de la foi. Mais d'après mon prof de philo, la liberté c'est le choix. Miroir, suis-je esclave de mes choix. Si Aaron est là, un plan genre Aaron est là. Sur une carrière, je voulais pas. Mais regarde aujourd'hui, je suis là. Putain de merde. Suis-je esclave de mes choix. Miroir, suis-je esclave de mes choix. Toi, George, je débute, toi, change, je débute, je vais pas changer d'équipe. Poursuis, c'est des bites dans le choix, tes compères, toi, très sélectif. Tes couilles, tu les perds, pousse-toi, je vais réagir. Nique la promenade des matons. Celle-ci pour les frères aux plaques, son qui cache l'œil ton pour mieux fumer là. Qu'on s'en dispute pas les goûts, les couleurs. On connaît les goûts, les douleurs. On connaît les tarots des fournisseurs, donc logiquement on fait partie des couilleurs. Dans les bacs, que trouve Air Force D, dans les backstage comme tout chaîne. J'tire deux bas, la fumée blanche remplit tout le bain. J'suis pas dealer, j'suis pharmacien. La buzz est médicale, si le rap est mort, j'veux mon héritage. Puissant comme un boumara béninois. Baveux, commis d'office, il est chelou la huisse. Quand il regarde mon dossier, on dirait qu'il veut que je glisse. Échauffe la vallonne et le couteau, crois pas que j'fais partie des nouveaux. Moi tes chansons, j'suis au goulot. J'suis derrière ton dos, fils de poudreau. Caraille, comme j'ai aimé mangeur de morue. Mais de quoi tu t'occupes? Des gros seins, un gros cul, ma pétasse est tendue. À part Dieu, on ne croit que ce que l'on voit. Je crois que cette pétasse m'éloigne de la foi. Mais d'après mon prof de philo, la liberté c'est le choix. Miroir, miroir, suis-je esclave de mes choix. Si à Aaron est là, un plongeur Aaron est là. Sur une carrière, je voulais pas. Mais regarde aujourd'hui, je suis là. Suis-je esclave de mes choix. Miroir, miroir, suis-je esclave de mes choix. À l'instant, c'était Nino Miroir. Du très, très, très, très, très, très, très lourd. Voilà, franchement, une claque. Ça m'a mis une claque, c'est du lourd. Bon, attends, bonne attention, hein, Niska. Merci beaucoup. Attends, je vais laisser parler Nino le temps que je finisse de. Oui, tranquille, ouais, tranquille. C'est l'heure de façon du dîner aussi. Vous nous écoutez peut-être en dîner. Retrouvez-nous toujours YouTube, Facebook, Nino SDT. Le 9-1 et le 7-7. Parce que là, j'ai déménagé dans le 7-7, t'as capté. C'est-à-dire, on fait les deux, frère. Partout c'est pareil, frère. Pareil. Partout pareil, les mêmes mecs, frère. Nuno à l'instant sur Skyrock et le morceau qui s'appelle Miroir. Avant de passer Miroir au live, je crois qu'on a encore un dernier titre, Niska, à passer. Il y a un dernier titre et j'ai une grosse dédicace à passer à Otakos, tu vois, qui nous ont livré là, tu vois, on est tous en train de manger. Après, ah, c'est ça. Ils doivent rentrer dans la salle, après ils vont rentrer. Je les laissais parler parce que franchement, là, ils nous ont mis bien là. C'est très très bon. Je vois, Fred, tu fais que de regarder mon sandwich. Mais oui, j'ai vu, ils sont tous arrivés. Ouais, tu vois, ils nous ont livré, ils nous ont offert tous un taco chacun. Franchement, c'est du lourd. Donc ça s'appelle Otakos. Voilà. Prends ta galette comme Otakos. Voilà. Et bon, on les salue et merci. Merci en tout cas. Ils sont dans les studios, en tout cas, je sais pas, ils sont où, mais ils sont là. Ils arrivent, ils sont en train de monter, on m'a dit. Ah, ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter, ils arrivent. Ah, ils sont là. Ah, bah les voilà, Otakos. C'est peut-être le dîner chez vous aussi. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Dites-nous, envoyez un message avec le hashtag Niska sur Skyrock. Merci en tout cas. Tiens, un petit mot. Tiens, un tacos, oui, mais au tacos. Voilà. Mike one. Vas-y. Allez, on balance le morceau. Vas-y, on balance le prochain morceau, frère. Colo Squad. Colo Squad, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti sur Skyrock. Squad, Le Planète Rap avec Niska entre 20h et 21h sur Skyrock pendant que tout le monde continue à s'installer et finir de dîner tranquillement. Attends, laisse la place là. Voilà, vous découvrez les coulisses de Planète Rap, les coulisses de ce Planète Rap avec Niska, avec nous entre 20 et 21. Niska, je suis inquiet parce que t'as filé des tacos à tout le monde, mais là c'est l'heure du freestyle. Ouais, c'est l'heure du freestyle, mais t'inquiète pas, ils vont manger, ils vont kicker énervé parce que c'est comme ça. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, Mike One est au platine. De la table. Toujours prêt. Ouais, voilà, on est là, on est prêt. Là, on attend que le live balance les instrus. Et bah, c'est parti, coup d'envoi. Ouais, les gars, vous êtes chauds quoi là? Non, c'est mou là. Hein, les gars, vous êtes chauds quoi là? On est chaud. Ouais, frère, vous êtes chauds quoi là? Ouais, ouais. Vas-y, balance les instrus. J'enlève le dos top. Laisse de billets à la main. Dans le four y'a pas que des pains. Pas que j'étais gros bras mais il est mince. Je rentre beaucoup mais j'suis pas une pince. J'suis pas une pince. Y'a de l'argent à faire par ici. J'suis un négro rarissime. Tu te dis noir mais t'as pas vu racine. La vieille honte. Tout est chez moi, j'ai pas de compte. Ami, ne ferai pas le compte. T'as regardé à le fusil à pompe. Le fusil à pompe. La mafia se passe à tout vous baise. Ouais, car c'est chaud et fait de braise. Ouais, le bon originaire de Brésil. Hola Sky, hola Sky. Empire spatial, t'es à Gaza. Voilà, ouais, t'as la ouais. Qu'est-ce qui se passe? Des glazes, t'as gazé. Je compte mes billets, j'suis à la Gaza. Gaza. A cause de Béné, ta gueule est cassée. Mec des terres, une ressource petite, mais pas une guerre, pas une guerre. Charoulet, fais ton top, bande de pute. Énervé, énervé, énervé comme ça, mec. Charoulet, le ton top. Charoulet, le ton top. Ouais, les pharmaciens. Ouais, ouais. Ok, vas-y Youb, enculé. Rien que ça bosse, énervé depuis des années. Je vais rentrer le BOR, rien que ça coche dans le bas de la bête. Confie, chapeau, t'es chapeau, t'es fou dans le corps, c'est la jambe. J'ai quelques blocs, j'te visse à ton bédo. Vas-y yo, j'te sors du glow. Reposé dans le haut, gros patité. C'est pas quitté, tu petit peu quartier. Ouais, ma gueule, c'est pas quitté. Dans le bâtiment, t'as paniqué. Ce que j'ai quitté, c'est ta meuf qui m'a quitté. Quand elle t'a le tchaga, pas tout ça normal. J'ai rentré, même son pire, c'est ça ou car. Quand elle t'a le tchaga, pas tout ça normal. J'ai rentré, même son pire, c'est ça ou car. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe, moi j'ai mon gars. On en est là, les gars. Ouais, mais on a perdu. Un mot, brigade. Je suis dans le bat, dans le bat. La bûche est pas clichée, la sacoche est remplie. Dans tes idées finies, j'ai le sourire quand je prends mon bénéfice. Toujours à la fuite, la paquille, on la fume, la conso dans le fut. Cambriolage, sur cambriolage. Demande à battre qu'au gros, vu qu'il y a des tuiles. J'ai un baronnet, on est tous des russes. Au comico, t'inquiète pas que j'ai la rue. Sors des diables, gros, j'ai cassé ma puce. Je connais, on est des vrais. J'ai des équipes, on est trop puissant comme un mec à la. Je des billets, ça sent qu'il va faire couler. Soit y'a Yannick au volant et on roule de sang. Tu m'as donné un poids sur la mort. La Guinée de Guinée, les Schmitt à ma porte. J'ai laissé 4 taillas sous les bords et mougi. On met tout le monde d'accord. La batte dans le bat, donc j'ai les juices. J'ai les juices. Y'a Colo sur le raté, viens prendre vos douces. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. What I know. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, on tentait, on tentait. On complète à moi, c'est Elix de la R. De la R. Voilà, il n'a. Ça relève le docteur. Et aussi Nino de la maison. Nino de la maison, Nino de la maison aussi, t'inquiète. Ça relève le docteur. Masco. MAS de la BSP. Faut la remettre là. Ouais, ouais, ouais, pense des honnêtes, les bris, après bon aussi. Charol Life, chantier ouais, du ouais. Rock, Charol Life. Deck, j'espère que tu m'écoutes au star là-bas là. Ouais, ouais, FBA mon pote, 7-7, FBA mon pote. Nel Tour, 9-1 poteau. MAS de la BSP. On est chargé, armé, on est paro. Je vais les frapper, je suis en route pour le magot. Allo, les échos sur le bigot. PSG sur la plaquette et le maillot. Prédit l'avenir comme un boomerang. Ton équipe finira sous la table. Ici t'es câble, t'es chantier, t'es doux. C'est bizarre, j'entends que tu fais le fou là-bas. Derrière mon dos, les faux potos papotes. Je reste authentique comme un polo Lacoste. La vie par respect quand t'as frôlé la mort. Le bon Dieu nous guide, mais on follow la drogue. Il faut des chichis, on les siphonne. On opère en soum soum, donc on s'isole. On a du pilon jaune, couleur Homer Simpson. Quand le flic sonne, aïe aïe aïe, demande à Baba. Qu'on veut, c'est des massages à Pattaya. T'es un pilote qui roule jusqu'à Malaga. Fais gaffe à toi, car y'a le placard. Frérot, sous moi dans ma zone. Ça s'enfume au jaune dans le hall. On est doucement dans le movie. En rêvant de gros billets mauves. L'argent facile nous fascine, là je vais glisser à sec, ça va, je vine dans le cul de Jean-Marie. Je vais pousser la rime, augmente le volume, ça monte sur Paris. Lunettes noires, je suis dans le bendo. Appelle-moi si tu veux quelque chose, on peut te faire fumer jusqu'à contracter l'overdose. Bande d'enculé, je suis déterre depuis le berceau, on peut pas tarder. Tu vas danser la dancehall, 3 points switch, on connaît pas les airballs, il n'y a pas de blame pro, seul dans la jungle, 34 morts, et qu'à la sauce de Thunder. Voilà, dans le thum, thum, alcoolisé ou sous pilon, pilon, DJ pull up, j'aime pas parler pour rien, je suis au télo, télo, je lui mets plein les coudrins. Bang, bang, Charol Life, le dos, t'as enfoiré. Charol Life, le dos, t'as enfoiré. Charol Life, le dos, t'as enfoiré. Charol Life, le dos, t'as enfoiré. Charol Life, le dos, t'as enfoiré. Vas-y, mon gars, continue. Ouais, ouais, ouais. SBA, SBA, pyramide. Ouais, Jarka, SBA, mon pote, ça bouge pas, feu. Plame. Ouais, on est là, s'il va bizarre, mon pote, ouais. Voilà, voilà. Ça, toute la cité. Ok. Ta meuf t'a plaqué, ton or il est plaqué pour toi, ta gosse gâtée. L'argent ne fait pas le bonheur, donc je veux le confort qui me rapporte. Tu m'attends qu'à ta porte. Bye. Ta peau qu'à son roman. Tout en faire d'efforts. Regarde la nuit, tu étais mal le décor. Tes couilles en or et la dent argentée. Des MRA s'amusent avec leur mortier. Je veux qu'on aille boire un verre, c'est volontiers. Et ça vient un tout, pyramide. A conseil mon bon inverse, jamais ton quartier. Jamais ton quartier. Ouais. Hey. Papa ou pao. Voilà une neuf. Voilà une neuf. Voilà yes. Voilà yes. Voilà ouais. Voilà ouais. Ça bouge pas, on a pas. On a pas. Pipi. Allez, Skaoudi, Skaoudi. Un petit bail à Skaoudi. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Sa mère le commissaire. Ouais, j'étais Al, mais chez Ap, moi. Ouais, t'as un échappement. Route pas ton kata. Sous un pot d'échappement. Ouais, ouais, ouais. Pull up, ok, ok. Vas-y. Yeah. J'enlève le 2 octobre. J'enlève le 2 octobre. Ouais, ouais, ouais. J'enlève le 2 octobre. Skaoudi. Ouais, ma nigga. Ouais, ma nigga. Skaoudi. Les honnêtes, les épinettes. Ouais, ouais, ouais. Escadé. Sa mère le commissaire. Ouais, j'étais un mais chez Ap, moi. T'as raison, échappement. On retrouve à ton kata sous un pot d'échappement. Y'a mes négros dans l'auto. Le calibre est dans l'auto. Tu apprends mon numéro et t'as plus pas des chiffres. T'auras plus de chance qu'on l'auto. Wesh, les potos. Wesh, les potos. RG, Disney, Jojo, Comico. Y'aura du flow sur les photos. On nous tiendra ce qu'on voudra, c'est pas compliqué. On sait ce qu'elle aime. Bibi, je touche tellement de whip. Négro, je t'en fais, c'est qu'elle aime. Le ratif, c'est salope. À chaque fois, je regarde, j'ai l'impression d'être un dame. Ouais, ouais, dit, paye en liquide. Blanc, t'inquiète, ma carte, la dame. Je compte, moi, je finis. Je travaille au fini. Voilà, ouais. Mon parcours, mon bras est long comme les cheveux d'Akili. Mais t'as fait, j'ai des grosses sur 5 doigts. Suffit que tu me touches, on va t'aider toi. Sais-tu pourquoi je nettoie? On me dit que je suis dingue, tu vas t'aider toi. Interpellation. Quand c'est vesti, je demande une fellation. Je passe la relève, mon fils est l'est une révélation. J'enlève le top top. Disco. Building. Mafia spartiate, pétasse, pétasse. Mais là, on dit quoi? J'enlève de moi. Change d'instru. Bye bye, ok. 9-1, mafia spartiate, pétasse, pétasse. Ok, Evry, tous mes gangsters. Yeah. J'avais musique. Vas-y, mets le son là. Ouais. Pétasse, pétasse, mafia spartiate. Vas-y, Simpson. Ok, Jaja. Voilà. Dédicace Niska. Voilà. Jarolai, ouais, ouais. Ça sort là. 9-1, dédicace tous mes Black Mafia Rebeu. Aïe aïe aïe. Brrr. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. Bakrou. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. C'est 34 du 47. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. Toujours à temps d'avance. Non, ça je suis d'un truc. Change d'un truc, DJ. Là, c'est trompé là, frère. Sur la ville de ma mère pour rap. Oui, c'est ma vie qu'on. My nigga Blex, Fusco, on vous oublie pas. Bec, ouais, ouais, ouais. Lutin, section criminelle. Ça. Sakaba. Sakaba. Evry et tous ces quartiers. Ouais, ouais, ouais. R.I.P. Soti. Ouais. Un gros freestyle sur Bouscapé. Allez cliquer, Bouscapé. Ok. Voilà. Bouscapé au père Jeannot. Le père Jeannot, un grand homme. Faut détailler toutes ces quêtes. Ramener les fucking pépettes. Tous mes petites raquettes, ouais. Il leur faut leur nouvelle basket, ouais. Il leur faut leur nouvelle tipper, ouais. Les mafias en façon se faire bam bam. Ok. Devant le proc, devant le proc. Quoi qu'il arrive, non, tu baisses pas ton proc. Quoi qu'il arrive, on est déjà coupable. On est accusé d'avoir pété des balles. Ils ont tourné les battes. Les bâtards. Les bâtards. Les bâtards. Les bâtards à la tête. Aïe. À part de Yann Gangsta, si si. Ça relève le 2 octobre. Mafia spartiate, pétasse, pétasse. Change d'un truc, j'ai ma s'il te plaît. Mafia spartiate, bouffe sur le. Change. La vie est agressive. Sakaba. Sakaba. Non, change d'un truc. Tony. Change. Jeff. Oh, Freddy Jeff. Dubise. LSP. Non. Non, change. Les anciennes. C'est tous les instruments que j'ai. Au début. Mais remets les autres d'avant alors. Ouais, les autres d'avant. La première. Repart DJ Mike One. La première là. Allez, on est reparti. Pour le live, le freestyle avec Niska, ses invités aussi dans le studio entre 20 et 21. Vous bombardez de messages, le hashtag Niska sur Skyrock et la roulette qui va tourner dans un instant. Banyan, tchétchien. Vite, Banyan, c'est le courant de la paix. Ouais, ouais. Mon Jack énervé. Aïe. Ok. Ouais, Ninja. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Ils ont pété le matos. Du matos au parking du Bento dans le Gamos des Gamos. Trafic de stup dans les locaux du check. Prends ta galette comme au tacos. Numéro 10 comme Diego Armando. Dorénavant j'vise le bingo. Banaboka, Bazo, Buka, Mukongo. Banapoto, Bazo, Beta, Nintendo. Negro, Bento, Kabendo. On veut des euros. Ramène les lingots de Roro. Numéro uno de uno. Toi-même tu le sais. Le fessier est cambré. T'as réveillé mes démons. Il faut que je la démonte. Un mauvais comportement. Originaire des Todi. Que des gros bonnets des Audi. Négro j'fume ma Audi. Un mes soldats se rencontrent. J'te le redis. J'me suis fait sans faire le vendu. Comportement. Quand tu nous vois faut que t'applaudisses. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind, yeah. Big money on my mind. Ok. Trapper c'est bien mais est-ce que t'assumes le produit? T'assumes le produit. J'tis pas la poudre, eh. Y'a remet, ouais, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Yes, Tony Guapo, Bridgestone. Chantier du coq, Charlie Delta. Hey. Tony Guapo. Bendo. Bendo. Tony Guapo. Ah. Skyrock, c'est pour nous, Charles Life le 2 octobre. Ouais, c'est okay. Pour nous. Ok. Hey. Wopla. Wopla. Bla bla. Hey. Ouais. Trapper c'est bien parce que t'assumes le produit. T'assumes le produit. T'assumes le produit. J'dis pas la poudre, mais j'suis speed comme un Audi. Comme dit Rivka, original et Audi. J'suis le ouais. Oui, oui. Ferme ton café pour jusqu'à minuit. Je suis dans un flavoyant, plus carré trafic and dance. On revient au quartier, normal, on les bouge bien. Mais qui fait brigand, oui. Ma graine se bagarre comme coco, oui. Trafic and t'es fait bichapé, Niska, oui. S'occupe de sortir le bloc. Bye, bye, hey. Charlie Delta. Charlie Delta. Hey. Okay. Hey, Charlie Delta. Charlie Delta. Bendo, bendo. Bendo, bendo. Hey, Charlie Delta. Charlie Delta. Hey. Charlie Delta. Raccourt, raccourt, raccourt. Rafaler les gens, c'est pas de ma nature. Mon armada est prête. Attention les négros, faites pas de bavure. Mandia Coco Pétu, Farah. Mandia Coco Pétu, Farah. Je suis Zaïrois, je sors de Kinshasa. Bougie my poto, ça c'est mon ethnie. Mamma mia, je suis dans l'eau, je vois l'eau. Quel bail, je suis dans un conte de fées. Ou bien, dans la vie réelle. Toi je mets une tempête. Quel bail. Où va-t-on en retraite? Ouais. C'est pas encore fini. Non. Bientôt je finis sous les tropiques. Ouais. Quel âge. Ok. Bye bye. Bye bye. Ok. Eh, remets. Remets. Attention, elle est lourde, DJ Mike. Remets là au début là. Ouais. J'avais vu. Mafia Spartiate. Mafia Spartiate. Ouais. Mafia Spartiate. Anoubara, Anoubara. Nid. Bagna gagné, vous pouvez bling. Codes. Ciao live. Mafia Spartiate. Mafia Spartiate. Mafia Spartiate. Mafia Spartiate. Voilà, ouais. On calme. Je roule de la casquette, j'aperçois que des faibles. On baisse la France en plus de ça, on lui enfonce la tour Eiffel. Y'a côté sur côté sur côté. Je vais sauter la vie te faire sauter. L'équipe est soudée, la chaîne est saoulée, elle se zoomait. Armée. A cause du four on est cramé. Pour plus brasser il faut ramer. T'arrives mais t'arrives pas de crâner. J'suis dans Seven avec Jaja. Y'a Chichi si j'vise mal c'est j'suis sous Jagda. A cause de Rimsa dans le bâti y'en a quoi. J'dégagne le gang, ta gueule. Mais dis-moi qui va faire quoi. Équipe composée de négro et de pommade. Balle dans la tête. Sans se tomate. Pécho t'as pas arrêté, pécho j'en roule. Si tu peux faner nos plantes, c'est sûr qu'on t'arrosera. Ça y est, j'ai fini, ça y est, j'ai fini. Je me dirige vers l'infini. Oui. Dangereux, Vladimir Poutine. Dangereux, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Dangereux, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Dangereux, Vladimir Poutine. Coller la petite, coller la petite. On va coller la petite. Tony Montana des Tony, Tony, Tony Montana des Tony, Tony, la rue est dans le colis, colis, y'a la dose à sa nos pistes, cocaïna, cocaïna, cocaïna, dans la route comme un carreau, mais tu fais bye bye. J'avance les yeux fermés, je pense à mon gris-gris, bye bye, la tigre de tout, ça sent le vaudou, ça sent le vaudou, cette pute de fou veut me faire un truc chelou, dans mon plat de vaudou, dans mon plat de bandou, la tigre de tout, oui, ça sent le vaudou, oui, pas que marabout, ça contient des zoulous qui te fument pour des gros sous, oui. Moi Jack Energy, le docteur Bandafoire. C'était la session live ce soir dans le Planète Rap. Merci à vous tous pour cette session freestyle. À l'instant, chaud Niska. Comment je transpire? Ouais, bah j'ai vu, ça a mouillé le maillot. C'est la guerre mon frère. Charo live, ça sort tous les soirs, ça va être la guerre tous les soirs. Donc demain soir on remet ça. C'est on remet ça. On remet ça un petit peu avant 20h, entre 20h et 21h. La sortie c'est vendredi de Charo live, à pas louper, toujours la précommande pour y récupérer. Voilà. Et les concerts de Niska, c'est le 27 octobre du côté de Lyon, le 31 octobre à Bordeaux, le 4 à Lille, au Splendide de Lille. Et le 5 à la Cigale. À la Cigale de Paris aussi. Il y aurait, à mon avis, une forte ambiance. Voilà. Une grosse ambiance, comme on a pu le voir ce soir, si vous avez les images ou écoutez la radio. Voilà. Merci à vous tous. Rapidement, on fait tourner la roulette. C'est parti. Vas-y. Ah, c'est son prénom. Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Avec Océane du côté de Sens. Salut, Océane. Oui, ça va. Bienvenue dans ce Planète Rap de feu. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va, Océane ? Oui. Allez, c'est parti. Dup. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, Océane, c'est... Et bah voilà, c'est Sopra en concert. Il y a deux places qui t'attendent, Océane. Ouais. Et bah bon concert. Merci. Je te fais un bisou, Océane. Ciao, passe une bonne soirée. Ciao. Merci Niska, merci à tout le monde. Ce soir, tous ceux qui étaient là ce soir dans le studio, merci à vous tous. Rencard demain, un petit peu avant 20h. Tu vas aller prendre l'air. Niska qui a besoin de prendre un petit peu l'air parce que c'est vrai qu'on est nombreux ici. C'est parti aussi pour la radio libre de Difool. Si tout le monde est là, si toute l'équipe est là. Allô Fredo. Ah, qu'est-ce qui se passe? Au téléphone. Je suis devant la radio, je suis avec les fans de Niska qui sont partout. Ah ouais, il y en a un mort. Ça va? Bien et toi? Bah ouais. Ah bah je viens de voir tes messages. Je découvre. Bon, je peux monter alors? Tu peux monter, tu y a peux du monter. Monde, hein, on te revient. Mais c'est vrai que c'est un peu embouteillé la radio actuellement. Bah donc là, je t'envoie. Tu vas voir, je t'envoie quelques personnes. Deux, trois. Ah oui. Non, deux, trois. Monte, hein, donc monte vite, monte vite avant l'arrivée. Ça va boucher. Ah là, la radio libre, ça va, Samy, je t'ai entendu. Écoute, ça va, gros. J'ai regardé le début du match du PSG. Bah, Momo est là, il est déjà déchaîné. T'imagines, il attend que ça d'aller voir le match, d'aller Momo, le match. Momo, vous avez pas marqué encore votre équipe. Hein. Ouais. C'est la crise là, 5 minutes sans but, c'est la crise. Le match à suivre. Comment tu dis, Momo, le Chesnesk? Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Voilà. C'est dans un instant à suivre chez Difool la radio. Alors tu es tout seul, Samy ou... Écoute, je suis tout seul, ouais. Ah ouais, il y a personne d'autre. Ça fait plaisir. Bon, bah, mais Difool va arriver puisque le téléphone a coupé. Donc. C'est parti pour la radio libre 01 53 40 30 20 pour envoyer des messages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir, Samy? Tu sais déjà un peu ou pas? Écoute, il y a le match du PSG comme je viens de le dire. C'est le match, ouais. Et là pour l'instant, Shakhtar a le ballon, donc je suis très content, Fred. Ça va pas durer longtemps. On va gagner, Samy. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, Samy. T'inquiète pas. Tout va bien. Marseille joue ce soir. Là, Marseille, on joue pas, gros. Nous on regarde la télé. Ah oui, c'est ça. Nous, j'ai la PlayStation, nous, tu vois. J'avais oublié. La ouais, Ligue des Champions, c'est très loin de nous, tu sais. Non, demain, Europa League, l'OM. Bon, t'envoies la pub et on revient dans un instant. Ouais, non, tiens, je vais devoir Difool courir, donc c'est bon. C'est bon, il arrive, à mon avis, dans 1, 2, 3. Il va faire son entrée magnifique en et courant. Et top, il est là. Magnifique. Ah, ça y est, on est encore à l'antenne. Eh ouais, bah oui. Je t'ai bloqué dans les couloirs. J'ai rien compris ce que t'as dit. Il y a un problème dans ton émission, il y a trop de monde. J'ai rien compris ce que t'as dit, ça a coupé d'un seul coup. Ah bon? Bah non, Difool il te disait en fait qu'il y avait du monde dans le couloir et qu'il était bloqué. Il a touché le cul quoi. Ah, non, ah, Ah bah, un petit peu de poésie pour débuter. Ah, ils ont pas fait exprès, Marie, on est tellement serré, ouais, tu ouais, sais. C'est ça. Ah, but de Paris, putain de merde. Et but de Paris, voilà. Pub Fred, c'est bon, non? Ah, c'est parti, 1-0 pour Paris. Qui a marqué? Qui a marqué? Aurier, non? J'ai pas vu qu'il y avait marqué. Ouais. Je crois que c'est Serge Aurier. Aurier, ouais, eh ben, Aurier. Voilà, c'est le but début du festival. Et eh ben but du PSG. On suivra le match dans un instant en direct sur Skyrock. Voilà. Bon, il est temps de mettre de la pub. Ah. Et voilà, bon, on met la pub pour que Samy se remette un peu, sinon il va nous claquer dans les mains, ça va être possible. J'étais en train de parler. Et puis sinon, vous appelez. Tu portes la poisse. Ah, ils vont clouer le bec. 01 53 40 30 20, vous nous appelez toute la soirée. C'est parti pour la Radio Libre avec toute l'équipe. Merci Fredo. De rien, de rien. Merci Aniska. Et à demain. Et à demain, Fred va arriver à sortir du studio d'ici une petite heure. Oui, je pense. Salut Fred. Ciao, ciao. Niska, 20h-21h et Radio Libre, c'est tout de suite sur Skyrock. C'est parti. On y va avec tiens, on va démarrer quoi? Avec Nekfeu, tiens. Petit Nekfeu pour démarrer la soirée. Et pendant ce temps, vous nous appelez, vous débarquez ici en direct sur Skyrock. Let's go. Et le PSG contre Shakhtar Donetsk. Ensuite, tout ça en direct. Après Maître Gims, Black M.